Section 43 de la lecture, tome 3e. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. La lecture, tome 3e. Section 43. Un vieux, par Pierre Loti. Chapitre 1. Débile, tu t'en iras, de porte en porte. Raconter ta jeunesse aux petits-enfants et aux vendeurs de saumure. G. Flaubert, Salammbô. Il habitait une toute petite maison très ancienne, à mi-hauteur de falaise, sur la route qui va de Brest au phare du Portique. Le long de ce chemin, dans d'autres demeures pareilles, beaucoup de retraités de la marine finissaient de vivre. La sienne, adossé à des contreforts de granit où poussaient des ajoncs, regardait d'assez haut la rade grise et profonde, la pointe de la Cormorandière et le goulet, entrée de la pleine mer, par où les navires arrivaient. Un jardinet au mur tout bas la séparait des passants. À travers des arbustes très vieux, à bout de sève, on la voyait, renfoncée, tapis contre les roches avec un air sombre. Constamment, elle était battue par les vents d'ouest, les mauvais temps noirs, les grains des équinoxes ou les longues pluies des hivers. Quand le ciel était un peu beau, l'homme qui demeurait là, tout seul, s'asseyait devant sa porte. Sa barbe, d'un gris blanc, formait un collier clair autour de sa figure brune, qui semblait taillé à grands coups de hache dans une souche de bois mort. Il portait des boucles à ses oreilles et se tenait très droit. On voyait qu'il était usé, usé jusqu'à la moelle, mais d'une usure particulière, d'une vieillesse qui n'était pas celle de tout le monde. Il était impossible, en le regardant, de lui donner un âge. Pour les rares promeneurs, pour les ouvriers, qui s'en revenaient de Brest, le soir après leur travail, jamais ils ne relevaient la tête. Seulement, quand passait un col bleu, une figure de matelot, ils semblaient intéressés. Ils s'avançaient pour voir, et ils suivaient des yeux cette silhouette dégagée et dandinante qui s'en allait se découpant sur les lointains gris de la mer. Des deux côtés, vers Brest et vers le Portique, le chemin fuyait en montant et semblait finir tout court sur les vides brumeux de la rade et du ciel. Les passants surgissaient par un bout et puis disparaissaient par l'autre en ayant l'air de s'abîmer. On avait autour de soi des blocs de granit, des bruyères et des épines. Et là, même, aux portes de la grande ville, on commençait à sentir le je ne sais quoi d'âpre et de mélancolique du pays breton. L'été, par les vrais beaux jours, il apportait dans son petit jardin un perroquet du Gabon gris, à queue rouge, dont le bâton était en bois des îles et qui avait pour mangeoire des moitiés de coco. Il témoignait beaucoup de sollicitude à ce vieil oiseau qui restait taciturne sur son perchoir dans une pose caduque. Si par hasard il faisait un peu chaud, tous deux semblaient revivre. Le perroquet parlait, sans remuer toujours. Il répétait d'une voix de ventriloque des injures de bord. L'homme, comme si on eût été en pays tropical, mettait de l'eau à rafraîchir dans une gargoulette d'Aden, s'habillait d'un paletot en nankin de coupe chinoise et s'éventait avec une feuille de palmier. Quand les fenêtres étaient ouvertes, on apercevait, à travers les branches d'une véronique arborescente, un coin de ce ménage de solitaire qui était propre et aussi bien rangé que par les mains d'une femme très soigneuse. Il y avait sur la cheminée deux potiches, deux magots, des coquillages et différents objets exotiques. En juin et en juillet, un pâle soleil oblique entrait furtivement sur le soir et semblait s'attarder en retrouvant là ses choses. Ensuite, après la mélancolie de ces étés courts, les brumes sombres revenaient, pendant de longs mois, tout enveloppées et tout obscurcir. Des gens qui, depuis longtemps, demeuraient aux environs, se rappelaient avoir vu, 10 ans auparavant, arriver ce vieux. C'était déjà un homme fini, bien que ses yeux fussent alors un peu moins éteints, son collier un peu plus noir. Il s'était installé seul, arrangeant tout avec un soin égoïste, comme pour une existence encore très longue. Mais il était tombé d'année en année, de saison en saison. Son regard triste était presque effrayant, à force d'avoir perdu toute expression vivante. Il lui restait cette taille droite qui lui donnait une démarche de fantôme, et il se mouvait lentement, avec raideur, tout d'une pièce, comme une grande momie. Fin de la section 43, lue par Margot.